mercredi 15. On reprend les quartiers libres après une pause estivale. Et cette fois-ci, nous sommes en compagnie de M. Émile Lanoux, qui va nous parler de ses recherches dans le cadre de l'écriture de l'ouvrage « Différents aspects de la musique guyanaise ». Il va nous parler de l'identité de la musique guyanaise. Merci d'être venu. Je sais qu'on est en petit comité. Et M. Lanoux, vous avez quartier libre pour votre intervention. Bon, je te remercie, Tommy, de nous donner cette opportunité pour parler de la musique guyanaise. C'est une passion. Et c'est avec plaisir, donc, quand tu m'as sollicité, c'est avec plaisir que j'ai répondu favorablement à ton invitation. Alors, selon la formule consacrée, on dit toujours merci d'être venu aussi nombreux. Hein, c'est une formule que j'ai apprise, donc je la ressens, même si elle n'est pas toujours adéquate, mais en fait, c'est la formule. Alors, effectivement, on est là pour parler de cet ouvrage intitulé « Différents aspects de la musique guyanaise ». Alors, quand Tommy m'a présenté le site qui avait programmé la rencontre, le titre était « Les musiques guyanaises ». Oui, c'est « Les musiques de Guyane ». Ouais, « La musique de Guyane ». Alors, heureusement, on s'est rencontrés et je lui ai expliqué que ce titre allait à l'encontre de ma conception de la musique. Je suis de ceux qui défendent farouchement la notion de la musique guyanaise. Les deux expressions existent. Les musiques de Guyane, la musique de Guyane, mais quand je parle moi de la musique guyanaise, je suis plus précis dans ce que j'y raconte. Alors, pourquoi la musique guyanaise? Puisqu'on se réfère à la composition de la Guyane, à la composition de la population de la Guyane, n'est-ce pas? Et on entend souvent parler, d'ailleurs au niveau de la CTG, il existe une délégation qui reprend à peu près ces termes-là, les cultures et les identités guyanaises. Bon, c'est mon point de vue que je défends. Moi, je dis tout simplement qu'utiliser le pluriel dans cette expression-là, c'est prôner la division. Alors, je m'explique. Alors, on peut être d'accord avec moi, comme on peut ne pas être d'accord. Moi, j'estime que la Guyane a vécu différents traumatismes, tels que la colonisation et cela. D'ailleurs, ce sont ces deux éléments-là qui ont façonné la musique guyanaise, n'est-ce pas? Et les peuples que l'on retrouve en Guyane, n'est-ce pas, depuis l'origine, n'est-ce pas, depuis la colonisation, ces peuples-là ont vécu, pas forcément ensemble, mais il y a eu quand même des échanges entre eux. Il y a eu des échanges, il y a eu des ponts, certaines techniques, certains savoir-faire ont été partagés, n'est-ce pas? Et ces trois peuples que l'on retrouve depuis la colonisation et l'esclavage jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire les Amérindiens, les Créoles et les Michilingués, pour ma part, sont ceux qu'on appelle les peuples premiers. Ce sont ces peuples-là qui constituent l'essence de la population guyanaise. Donc, cela veut dire tout simplement que la musique guyanaise n'existe pas aujourd'hui. La musique guyanaise existe depuis bien longtemps déjà. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, en juin, on a fêté l'abolition de l'esclavage. L'abolition de l'esclavage, c'est un événement qui s'est passé en 1848. Ce qui veut dire que la Guyane existe bien avant 1848. Et la musique guyanaise existe bien avant 1848. Alors, cet ouvrage, en fait, répond un peu à je ne considère pas ça comme une insulte, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde veut remettre en question la musique guyanaise. Pourquoi tout le monde se demande est-ce qu'il y a une musique guyanaise? Qui est guyanais? Il n'y a pas de guyanais. Non. La Guyane existe depuis bien longtemps déjà. Et on ne peut pas concevoir un peuple qui soit autonome, indépendant ou qui dépend d'une nation, qui puisse exister sans culture, ça n'existe pas. N'est-ce pas? Parce que les Noirs qui constituent l'essentiel de la population de Guyane, la plupart des Noirs, qu'ils soient d'origine guyanaise ou d'origine antillaise, les Noirs, viennent tous d'Afrique, pour la plupart. Ils viennent tous d'Afrique, je peux le dire. Et en Afrique, ils avaient une vie. En Afrique, il y avait une culture. Donc quand ces esclaves, ils n'étaient pas esclaves, quand ces Noirs ont été capturés d'Afrique, et qu'ils ont fait le voyage sans retour de l'Afrique en Amérique, ils ne sont pas arrivés incultes. Ils sont arrivés avec leur culture, leur savoir-faire, n'est-ce pas? Et on ne peut pas le nier, aujourd'hui, dire que, poser la question, mais qui est Guyanais? Y a-t-il une musique guyanaise? Pour moi, c'est une offense. C'est une offense, c'est oublier tous ces gens-là qui ont souffert et qui sont morts sous le dur travail, sous le dur labeur, n'est-ce pas? Et nous devons au contraire reconnaître leur existence et surtout reconnaître, n'est-ce pas, ce qu'ils nous ont laissé. Parce que ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous ont laissé nos ancêtres, n'est-ce pas? Et ce que nous ont laissé nos ancêtres qui ont su, alors pour certains, c'est un côté positif, pour d'autres, c'est un côté négatif, mais qui ont su se frotter aux colons et qui ont pu, de cet échange volontaire ou forcé, arriver à se façonner une culture. Souvent, je prends pour exemple, n'est-ce pas, cette comparaison entre les Bushinengués et les créoles. Pour bien comprendre, pas l'essentiel, mais pour bien comprendre ce que nous avons, ce que nos ancêtres ont pu tirer de ce contact avec les colons. Bon, ce n'était pas toujours un contact facile, réjouissant, n'est-ce pas? Mais en tout cas, on ne peut nier que ce que nous sommes aujourd'hui, et si... Et quand on fait la comparaison avec les Bushinengués, on comprend bien, n'est-ce pas, ce que la colonisation nous a apporté. Alors, comme je le disais, aujourd'hui, il y a un mouvement revendicatif, n'est-ce pas, qui voudrait qu'on n'utilise plus la notion de créole, qui serait vraiment une offense. Chacun le voit comme il veut. Moi, au contraire, je dis qu'on ne peut pas rejeter l'histoire. Le terme créole, il a été mis en place par les colons pour bien faire la différence entre les esclaves qui étaient nés sur la plantation dans la colonie et ceux qui arrivaient d'Afrique, les Bossales, n'est-ce pas? Et ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que les créoles, les noirs créoles, ne voulaient pas qu'on les appelle Bossales. Alors, ça, c'est un peu ce problème d'image que nous avons chez nous, les Noirs, à savoir que, aujourd'hui, j'espère que cette idée-là a disparu, mais pendant longtemps, c'est le désir certainement de l'assimilation à la culture française, pendant longtemps, le rêve de beaucoup de Noirs, c'était effectivement de... je pèse mes mots pour qu'on ne puisse pas m'accuser de toutes sortes de mots, mais... c'était en partie de ressembler aux Blancs, n'est-ce pas? Et on faisait bien la différence, même si le colon l'a fait avant nous, mais on faisait bien la différence entre les différents degrés de métissage, n'est-ce pas? Et la plus-value allait à celui qui se rapprochait le plus du Blanc, n'est-ce pas? Donc, cette histoire de Bossal et de Créole, n'est pas si ancienne que cela. Moi, je me souviens, alors pour tout vous dire, je suis né en 1954. Donc oui, je suis plus jeune. Hein, voilà. Et bien, quand j'étais enfant à l'école, il y avait ce problème qui se posait, toujours dans ces termes-là. Et nous, pour quand ça n'allait pas entre nous, il y avait une expression qu'on employait régulièrement. On disait, regardez ça là, Samaka. C'était quoi? C'était l'idée du noir, voilà, on ne voulait pas ressembler à ça. Donc, ce sont des petits détails qui ont leur importance, et pour revenir au sujet lui-même, donc, voilà pourquoi je dis qu'il est nécessaire de désigner la musique guyanaise au singulier. La musique guyanaise. Et que va-t-on trouver dans cette musique guyanaise? Alors, dans l'ouvrage, j'ai défini un concept que j'ai appelé la trilogie de la musique guyanaise. Alors la trilogie, comme son nom l'indique, n'est-ce pas, c'est ensemble de trois en un. Si vous voulez, pour ceux qui sont proches de la religion catholique, c'est un peu ce qu'on appelait. Ça me reviendra. C'est toujours cette idée d'une personne, de trois en un. La Trinité. La Trinité, voilà. La Trinité. Alors, on m'a reproché de. Pas de blasphémer, mais d'empiéter. Mais il faut, ça va donner une image. Parce que le problème que j'ai rencontré quand j'ai écrit ce livre, c'est que si, concernant la musique traditionnelle, il y a des ouvrages de référence, il y a des auteurs de référence, tels que Marie-Françoise Péda, tels que Monique Bérald, tels que Berthe Ladion, il y en a d'autres. Concernant la musique populaire, à ma connaissance, il n'y en a pas. Donc, j'arrive tout seul, c'est une très bonne chose pour moi, mais c'est également très difficile parce que je n'ai pas d'outils pour m'exprimer, pour dire ce que je veux. Je ne veux pas systématiquement utiliser des outils qui existent déjà, qui, pour ma part, ne correspondent pas à ma réalité. Donc, je suis obligé d'en inventer, au risque de me tromper, hein, parce que c'est très important. Et justement, dans cette démarche, j'ai enfin compris pourquoi les étudiants ont un tuteur. Voilà. On a toujours dit, oui, il faut le tuteur, j'ai pas de tuteur, il veut pas, pas de tuteur. Eh bien oui, c'est ça. Quand on n'a pas de tuteur, eh bien on se lance. On se lance à ses risques et périls, n'est-ce pas? L'expérience de la vécue. Et moi, ce que je retiens de mon histoire, c'est que je n'ai pas trouvé, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je dis que je n'ai pas trouvé de personne pouvant en m'aider et pouvant me rectifier dans le cas où je passais à côté. Donc pour revenir à notre histoire, donc la fameuse trilogie, elle est là. La trilogie, ce que j'ai appelé cette trilogie de la musique guyanaise, c'est cet ensemble formé par les Amérindiens, les Bushinengue et les Pérars, dans l'ordre. Alors certains associent ces trois-là à l'alphabet et les appellent les ABC. Donc A pour Amérindien, B pour Bushinengue et C pour Créole. Alors bien sûr, moi je n'approuve pas cette appellation parce que l'alphabet, c'est un ordre qui est bien établi. Une lettre ne peut pas aller avant l'autre. On ne pourra jamais mettre B avant A. Or, dans ma conception des choses, en me référant à certains récits d'historiens, nous sommes tous d'accord que les premiers habitants de Guyane sont des Amérindiens. Cependant, les créoles, ce que nous appelons créoles aujourd'hui, ils sont, selon mes lectures, selon mes recherches, sont bien arrivés avant les Bushinengue. Les Bushinengue sont arrivés dans les années 1776. N'est-ce pas? Alors, c'est la conception que j'ai, moi. Alors, j'ai entendu ce matin, sur Radio Pays, le présentateur dire que Eugène Ipahi aurait des révélations à faire sur les bonnies qui seraient arrivées par le Suriname, par le Brésil. Alors, peut-être que les dates ont changé, toute l'histoire, c'est ça, ça change. Mais pour l'instant, pour moi, les Bushinengue, et en particulier donc, les bonnies, qu'on appelle aujourd'hui Aloukou, pour ma part, sont ceux qui sont arrivés les premiers, et vers 1776, après avoir entrepris une lutte sanglante contre les militaires hollandais, qui a duré à peu près 4 ans, ils sont venus se réfugier sur le Maroni, n'est-ce pas? Donc, pour ma part, cet ordre-là est très important. Donc, d'abord, les Amérindiens, on ne peut pas remettre en question la présence des Amérindiens. On peut discuter justement entre créoles et Bushinengue, mais moi, ma préférence, selon l'histoire, va aux créoles d'abord, et aux Bushinengue après. Et même les Bushinengue, il faut admettre une chose, pendant longtemps, certains ont remis en question leur appartenance à l'ensemble guyanais. Alors, pourquoi? Il y a des éléments qui je ne dirais pas qu'ils leur donnent raison, mais qui expliquent cette, ce doute, on va appeler ça comme ça. Comme je vous l'ai dit, d'abord, ils sont arrivés bien après. Et en fait, ils ont gardé l'essentiel de leur culture, de toutes leurs traditions, et en particulier la musique et la danse. Or, on se rend compte, et il n'y a rien d'extraordinaire, c'est la logique, on se rend compte que cette musique et cette danse sont pratiquées au Suriname. Alors voilà pourquoi certains disent non, ils ne sont pas guyanais, ils sont surinamiens. Mais on a dit même qu'ils sont arrivés depuis 1776, quand même, aujourd'hui nous sommes au 21e siècle, quand même, il faut bien comprendre. En plus, ils ne sont pas arrivés et ils ne se sont pas installés dans leur coin et ont attendu 2020-2021 pour se manifester. Pendant toute l'histoire, à partir de cette date, on va retrouver les Bushinengués, n'est-ce pas, dans l'histoire de la Guyane. D'abord, au moment du rush torifère, ils ont été des canotiers remarquables, intrépides. Ils ont fait leur preuve, n'est-ce pas? Au moment de l'exploitation de la gomme de Balata et du bois de rose, ce sont eux qui allaient dans la forêt pour reconnaître les essences, les couper et les amener pour qu'on en tire la gomme ou l'essence. Et il y a eu également un autre événement très important, c'est lors de la construction du centre spatial guyanais. On a fait appel à 16 ouvriers qui avaient eux-mêmes travaillé sur le barrage de Coprando, ouais, sur rien, voilà. Ces gens-là sont venus, ils ont travaillé, ils ont construit également la ville de Kourou, c'est très important. Et puis, il y a encore un autre élément qu'on semble avoir oublié. Dans les années, si ma mémoire est bonne, dans les années peut-être 90, peut-être 2000, il y a eu un boxeur qu'on a appelé Yoma Jacobin. Et toute la Guyane était derrière Yoma Jacobin. Et la personne ne s'est demandé qui était Yoma Jacobin. C'était au début des années 90. Voilà. Et Yoma Jacobin a eu un parcours exceptionnel, malheureusement. Pour ma part, il était mal entouré, pour ma part. Et de ce fait, il n'a rien gagné de tout ce qu'il a fait. Il a été champion d'Europe, il était mal conseillé. Voilà, exactement. Et puis, juste comme une petite note qui montre bien l'implication des Bushinengués dans la vie culturelle de la Guyane, puisqu'on parle de musique, il y a une chanson qui est interprété notamment, hein, parce que c'est une chanson qui fait partie des traditions créoles guyanaises, une chanson qui est chantée par Nadine Léo, dans laquelle elle dit, entre autres, « Beau content, beau samaka, maman, beau samaka, chéri, beau content, beau samaka, maman. » Bon, les chansons de l'époque, elles servaient à quelque chose, ce qu'on fait, n'est-ce pas? Donc, c'est pas un élément qui arrive comme ça. On a partagé avec les Bushinengués. Mais je crois que dans toute cette affaire, ce qui pénalise les Bushinengués, c'est la fameuse guerre du Suriname qu'il y a eu, je ne sais plus, en 89, vous m'excusez, je n'ai pas la date en tête. Et je crois que c'est ça le problème. Parce que beaucoup de Surinamiens sont réfugiés en Guyane, n'est-ce pas? Normal, ils étaient dans des camps. Et à la fin des hostilités, il y en a qui sont repartis. On a encouragé d'autres à partir. Et vous connaissez la frontière, ils sont revenus. Et de ce fait, ça posait un grand problème à Saint-Laurent. Et je pense que jusqu'à maintenant, la ville de Saint-Laurent n'arrive pas à gérer cet apport de population. Ce qui fait que, par rapport à cet événement-là, il bénéficie, c'est pas forcément le terme, mais ça ne va pas en leur faveur, en fait, non, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui va à leur rencontre. Alors, revenons à notre musique, et je crois que c'est ça l'essentiel. Donc, voilà pourquoi j'estime que ces trois éléments-là ne forment que. Alors, moi, je dis bien dans l'ouvrage que la musique guyanaise, et j'insiste, peut-être que je suis le seul à le dire, que la musique guyanaise, en fait, est une et indivisible. Et ça revient à ce que je disais un instant, on ne peut pas parler des musiques guyanaises. Des musiques guyanaises, ça veut dire qu'on est en train de creuser le trou qui existe déjà, à séparer amérindien, séparer créole et séparer bushinengué. Non, on a besoin, et je le dis dans le travail, ces trois cultures-là doivent se rassembler autour d'un instrument, n'est-ce pas, fédérateur, qu'est le tambour. Voici l'instrument qui doit fédérer Amérindiens, créoles et Bouchiniens. Alors vous me direz peut-être que oui, mais chez les Amérindiens, le tambour n'est pas très développé. C'est vrai, la musique des Amérindiens est plutôt une musique qui repose sur la flûte. La flûte ou la clarinette en bon goût. Mais il existe des communautés amérindiennes qui ont un tambour. Et le tambour amérindien le plus célèbre, c'est le sambula, n'est-ce pas, le sambula de Kalinia. Et puis il y a d'autres peuples qui ont également des petits tambours. Mais il est nécessaire, en cette année 2021, de bien comprendre que la Guyane a besoin, n'est-ce pas, d'une direction. Ce n'est pas que la politique. Alors, on a un exemple, dernièrement aux élections, où on a vu une liste composée très bien. Mais au-delà de cela, c'est au quotidien. C'est au quotidien que la Guyane a besoin de cette direction. C'est cette nécessité de vivre avec ceux qui sont sur le territoire. Et c'est ça le défi qui attend la Guyane, de vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est notre grand problème, aussi bien avec les populations qui sont là depuis le début, si je puis dire, avec les populations nouvellement arrivées. Alors vous me direz peut-être, oui, mais je ne parle pas des populations nouvellement arrivées. Oui, ce n'est pas... je ne veux pas les exclure pour les exclure, mais il faut respecter l'histoire. Il faut respecter l'histoire. Tout peuple a sa musique. La musique guyanaise, elle a ses spécificités, elle a ses liens qui sont avec la Guyane. Il y a des liens étroits qui unissent les Guyanais à la Guyane elle-même, n'est-ce pas? Les populations qui arrivent, elles sont les bienvenues. Mais comment pouvez-vous comprendre que si vous parlez de la musique guyanaise, vous me dites par exemple, vous mettez la musique brésilienne. Déjà, je pense qu'il y a une opposition. Si vous parlez de musique brésilienne, je pense qu'on se renvoie au Brésil, n'est-ce pas? Alors moi, ce que je dis, et c'est là qu'il faut bien comprendre la différence, la musique, n'est-ce pas, elle est compartimentée. On la schématise généralement en trois grands compartiments, la musique traditionnelle, la musique populaire et la musique savante. Alors la musique savante, moi, je préfère dire la musique savante, ça peut être pédant, quoi, la musique savante. C'est tout simplement ce qu'on appelle la musique classique. Bon, alors pourquoi je n'aime pas trop la musique classique? Parce que la musique classique correspond à une période bien précise, n'est-ce pas? On parle, comme il y a la musique romantique, ça correspond à une période bien précise, n'est-ce pas? Et la musique classique correspond à cette période bien précise, avec des compositeurs bien précis, avec un style de musique bien précis, n'est-ce pas? Tandis que la musique savante, pour ma part, est le terme idéal, parce que cette musique dite classique est considérée comme une musique savante. Elle est savante parce qu'elle est écrite. Elle est écrite selon des lois de l'harmonie que l'on respecte. L'harmonie, ça s'étudie dans les conservatoires, n'est-ce pas? Et comme tout ce qu'on étudie, il y a des règles qu'il faut connaître, n'est-ce pas? N'importe qui ne peut pas s'improviser compositeur s'il ne connaît pas les règles de l'harmonie, n'est-ce pas? Il y a des règles bêtes que l'oreille peut, parce que parfois l'oreille ne perçoit pas, mais que ça ne s'écrit pas. Oui? Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre la musique populaire et la musique savante, c'est qu'on a souvent reproché à la musique populaire, justement, de ne pas être écrite. Hein, la musique populaire, c'est la musique qui était enregistrée. Voilà. Mais aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait juste, parce qu'aujourd'hui, la musique populaire s'écrit, n'est-ce pas? Et puis, on ne peut pas se tromper, la musique traditionnelle, c'est la musique traditionnelle. Donc, tout ça pour vous dire que la musique d'un peuple est la musique traditionnelle. Donc, pour ma part, la musique traditionnelle guyanaise ne peut pas bouger, elle ne peut pas changer, elle est ce qu'elle est. Cependant, la musique populaire, n'est-ce pas? La musique populaire, c'est la musique du peuple, si on peut dire. C'est la musique du quotidien, c'est ce qu'on entend à la radio, la variété, tout ça. Par contre, moi, je dis que l'ensemble de la musique guyanaise, il y a de la place pour tout le monde. J'espère qu'il y a de la place pour tout le monde. Et j'en veux pour preuve un exemple qui n'est pas, qui ne va pas tout à fait dans ce sens, mais qui montre une orientation possible. Vous avez tous entendu parler du groupe Senuka. Senuka, c'est un groupe de Saint-Nord du Maroni qui a cette particularité-là, c'est celle... alors, à l'origine, le groupe Senuka est un quatuor. Quatre musiciens de quatre sensibilités différentes, quatre cultures différentes. Un Amérindien, un Bushinengue. Alors, les deux autres, c'est assez difficile à définir, parce que ce sont, il y a un qui est hindou, indien, et l'autre portugais, bref. Mais l'intérêt de ce groupe-là, c'était qu'ils chantaient et que chacun chantait dans sa langue régionale. Et c'était ça, c'est ça l'intérêt de ce groupe. Alors aujourd'hui, ce côté culturel semble ne pas leur donner satisfaction. Aujourd'hui, je vois qu'ils tendent vers autre chose. Mais à leur début, c'était ça. Et c'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Qu'on comprenne bien que ce sont les jeunes qui ont voulu mettre en avant leur langue régionale. Parce que jusqu'à maintenant, il faut qu'on comprenne bien, on chantait en français. Certains chants étaient faits en créole, on chantait en anglais. N'est-ce pas? Mais on n'entendait pas dans la musique populaire les Bushinengues, on n'entendait pas les Amérindiens. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça domine des émules. Et on a vu dernièrement, à ma connaissance, la dernière expérience dans ce sens-là, c'est ce que moi j'appelle l'hybridation des langues. Parce qu'il faut savoir, avant, les jeunes, à l'image des Jamaïcains et à l'image des Américains, se contentaient de composer une phrase en mélangeant les langues. Vous savez, il y a des expressions qui reviennent, je ne sais plus en tête. Mais enfin, on dit un mot créole, à côté on met un mot anglais, bon. Il y a Bambi et Janina King qui continuent, et ça marche pour eux, parce qu'ils sont à l'international, donc il faut dire, ça marche, n'est-ce pas? Mais cela, il faut remarquer une chose, que cette tendance à connaissance à Saint-Laurent-du-Maroni. C'est à Saint-Laurent-du-Maroni où les jeunes ont pris conscience, n'est-ce pas, que chacun devrait s'exprimer avec sa langue. Et la dernière expérience, selon moi, qui a produit un disque, c'est Warren et Joyson. Alors, c'est des vieux amants. Nous sommes des vieux amants. Oui. Il y a une partie qui est chantée en français par Warren, et il y a ensuite une autre partie qui est chantée par... Voilà. Donc, comme je dis, cet exemple-là ne montre pas forcément des communautés étrangères. Mais moi, je dis que ça fait arriver. On a un autre exemple où vous avez... Guyanese, le groupe de quatre femmes, où vous avez Mamie Polanco, Sista Sony, Karine et Sandra Ogagir. Et bien, dans ce groupe-là, et bien, vous avez Mamie Polanco, qui est d'origine dominicaine, et bien, elle chante en espagnol. N'est-ce pas? Et en fait, on doit se préparer à ça. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas qu'il y ait forcément une domination d'une culture sur l'autre, si on veut que chacun soit à l'aise, n'est-ce pas? Alors je dis, si vous comprenez bien ma démarche, la musique traditionnelle, pour ma part, on n'y touche pas. Ça, c'est un héritage, et nous, on a le droit de faire fructifier cet héritage, n'est-ce pas? Par contre, la musique populaire, qui accepte tous les rythmes nouveaux, devrait pouvoir accueillir tout le monde. Et je crois que c'est ce qui se fait, n'est-ce pas? Oui. Donc, c'est cette particularité de la musique guyanaise. Je me plais à dire que la musique guyanaise, en fait, elle est inscrite dans son passé. Elle est inscrite dans son passé parce qu'elle a été façonnée par la colonisation et l'esclavage. Alors, on peut mettre une restriction concernant les Amérindiens. Parce que les Amérindiens existent bien avant. Leur présence dans la colonie en Guyane est bien antérieure à l'arrivée des colons, n'est-ce pas? Mais il faut bien comprendre que les colons avaient une puissance culturelle telle qu'ils ont pu agir aussi bien sur la culture des Bushinengués que sur celle des Amérindiens. Mais disons que ils n'ont pas pu détourner les Amérindiens et les Bushinengués de leur culture. On va noter, en regardant de plus près, on va noter quelques petites choses qui proviennent de la colonisation, mais ce n'est pas une erreur de dire que les Bushinengués sont restés Bushinengués et les Amérindiens, Amérindiens. Par contre, nous autres créoles, et c'est ce qui fait la créolité, que certains aujourd'hui remettent en question, mais c'est ça la créolité. C'est le fait d'avoir emprunté certaines choses aux colons. Alors, comment je répartis dans mon concept la musique guyanaise en trois éléments, amérindien, créole, bushinengué? On dit oui, mais les colons sont-ils? Mais ils sont là, les colons. Les colons sont avec les créoles. Le créole, c'est quoi, en fait? Je disais à l'instant, c'est un terme aujourd'hui qui est très controversé. Ils ne veulent pas, il faut employer le terme afro-descendant. Créole, ça va. Moi, je respecte le choix de moi, je continue à dire créole parce que, pour moi, le terme créole, il veut dire ce qu'il veut dire. L'histoire, ça a été l'histoire. Bon, comme je dis, je respecte le point de vue de chacun, n'est-ce pas? Mais dans le créole, on trouve, n'est-ce pas, la part, il y a une part du colon, il y a une part occidentale, le créole, c'est cette espèce de mélange selon des pourcentages entre la culture, une ou les cultures africaines et la culture occidentale, et qui prend même quelques éléments dans son environnement, n'est-ce pas? Moi, c'est ma conception, que certains rejettent, peut-être qu'ils ont raison, mais en tout cas, moi, c'est ça. Et d'ailleurs, l'histoire nous montre que nous avons cheminé à côté d'eux, n'est-ce pas? Nos vêtements, moi, j'ai beau chercher en Afrique des populations qui s'habillaient comme ça, moi je n'ai pas trouvé. Je ne dis pas que ça peut exister. Je dis que moi je n'ai pas trouvé, n'est-ce pas? Bon. Et même notre parler créole, on voit bien, on ne peut pas nier, on peut ne pas, comment dire, on peut se révolter contre ce qu'a été la colonisation et l'esclavage, moi je comprends très bien. Mais moi je pense qu'on ne peut pas nier l'histoire. L'histoire a existé et il faut s'en accommoder. Voilà. Alors, Tommy m'a demandé si on pouvait avoir des illustrations, souvent. Alors, j'ai fait une petite sélection en essayant justement d'y mettre l'essentiel. Alors, par exemple, ici, vous avez reconnu, il s'agit d'un groupe amérindien, c'est le groupe Ayawande. Alors, il s'agit d'une prestation qui a été donnée sur la place des Panistes, et effectivement, le groupe Ayawande va nous interpréter un samboula. Alors, le terme samboula est très important parce qu'il désigne à la fois le chant qu'ils vont interpréter, il y a une danse également, la danse du samboula, et il désigne également les tambours. Alors les tambours, n'est-ce pas, ils sont très importants. Ce sont des tambours à deux peaux, et sur l'une des peaux, il y a une petite baguette, c'est un timbre, et c'est ce timbre-là qui donne au samboula un son métallique. Alors, je vous disais il y a un instant que la musique guyanaise a été façonnée par la colonisation de l'esclavage. Alors, il y a, à propos du samboula, il y a un débat. Il y a un débat. Et on se demande si le samboula est un instrument amérindien. Alors, pour quelle raison? Parce qu'en fait, le samboula, il ressemble à une grosse caisse de fanfare. Et certains spécialistes, pas moi, certains spécialistes pensent que ce n'est pas une originalité amérindienne, que ça a été un emprunt, un transfert. C'est un grand débat. Et ce qui est intéressant, c'est que ce discours est tenu parmi les Amérindiens. Voyez-vous? Donc ce n'est pas un débat qui est tenu à part. Moi, j'ai eu la chance d'aller une fois à Walayalimapo lors de la grande du Samboula. Alors, justement, à propos du Samboula, il faut savoir que cet instrument avait complètement disparu. N'est-ce pas? Et c'est une volonté politique, on parlait de volonté, c'est une volonté politique qui a fait qu'à Awala et Animapo, on ait remis le samboula au bout du jour. Ils ont commencé par mettre en place une école de musique. Il y a une école de musique qui enseigne justement le samboula. Et pour aller plus loin dans leur concept, ils ont mis en place une manifestation qu'on appelle, je vais tout savoir vous parler, de la Grande Nuit du Samboula. Alors, en principe, le dernier week-end de juillet est consacré à la fête du Samboula, n'est-ce pas? Et il y a aujourd'hui de nombreux groupes, alors aussi bien en Guyane que Soyan. Alors, le Samboula a sa petite histoire, et il faut savoir que le Samboula est unique. C'est une œuvre d'art qui peut varier entre de 450 euros à 1200 euros. C'est vraiment une œuvre d'art, on prend suffisamment de temps pour le faire, et il émet un son particulier. Alors, cette photo est très intéressante parce qu'en fait, on voit apparaître deux femmes ici, et on verra en apparaître une autre plus bas tout à l'heure. Mais il faut savoir que les femmes, en fait, c'est une victoire des femmes que de se retrouver là. Parce qu'au début, n'est-ce pas, le Samboula, comme chez nous, par exemple, concernant la musique au tambour, eh bien, c'est une musique, les tambours étaient réservés uniquement aux hommes. Et aujourd'hui, on voit les femmes. Alors, les femmes, par contre, ne vont pas jouer du Samboula. Par contre, là, je ne sais pas si on le voit, peut-être on le verra tout à l'heure. Elles ont, le nom m'échappe. Alors, elles chantent et elles jouent de cet instrument-là. Mais j'ai deux remarques. Enfin, j'ai une question, si vous permettez, concernant le Samboula. D'une part, vous avez dit qu'on a du mal à savoir si c'est un instrument indien. On n'arrive pas à le dater. Donc, ça va au-delà de la datation, c'est l'origine. C'est à l'origine, c'est pas à quel moment il apparaît. La deuxième question est peut-être liée, c'est par rapport au Samboula, comment il est fabriqué? Est-ce que par rapport à sa fabrication, aux éléments pour le fabriquer, est-ce que ce sont des éléments qui sont plutôt communs, qui sont faciles à trouver par les Amérindiens, et du coup qui feraient de lui, effectivement, qui assurerait son origine? Si on sait que dans sa construction, ce sont des éléments qu'on peut trouver dans la forêt ou dans les lieux de vie ou à proximité des Amérindiens, on a plus de chances de se dire, oui, effectivement, cet instrument, il peut avoir été, certes, inspiré de quelque part, hein, de quelqu'un, mais en tout cas façonné, construit, et donc dont l'origine est amérindienne. Absolument. En fait, on parle de l'inspiration. On parle de l'inspiration. Cependant, la construction se fait à partir du bois de cèdre. À partir du cèdre, n'est-ce pas? Et les pots, alors à propos des pots, il y a pas mal de petites histoires qu'il faut savoir. Alors, la peau traditionnelle, c'est celle du fameux kayakou. Hein, voilà. Et on prétend. Alors, justement, les peaux, il y en a deux. C'est la particularité de ce tambour a deux peaux. Alors, on fait en sorte de ne pas mettre la même peau. Les deux peaux doivent être différentes, d'une part. Et on fait bien attention à ne jamais utiliser les peaux de jaguar, n'est-ce pas, des animaux agressifs, parce qu'on pense que. Selon la magie du tambour, il y aura une agressivité qui va se transmettre dans la salle. Et comme on dit souvent, il va finir. Voilà. Donc c'est ce qu'on raconte à propos du tambour. Mais il y a toute une science. D'ailleurs, ils ne sont pas nombreux, les fabricants de tambour. J'en connais un particulièrement. Il y en avait deux à Yalima, selon ma connaissance. Il y en a un qui est décédé il n'y a pas longtemps. C'est M. Franck Pirez, je ne sais plus. Le dernier ou l'un des derniers, c'est Elvis Toka. Elvis Toka, et c'est lui qui en fabrique. Et j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est lui qui m'expliquait, n'est-ce pas, comment, n'est-ce pas, le temps qu'ils prennent, il y a tout un cérémonial, n'est-ce pas, pour former le Samboula. Et il insiste bien. Il y a une relation qui doit exister, une relation mathématique entre le fût. Et le diamètre de la face interne et externe. Il y a une relation, vous remarquerez bien que le fût, par rapport à nos tambours créoles, le fût est vraiment petit, n'est-ce pas? Et ça a son importance. C'est ce qui permet au samboula d'avoir sa sonorité et surtout de porter le son. Vous remarquerez qu'à l'inverse des créoles, le tambour, il n'est pas au sol. Il est en hauteur. Axe horizontal. Voilà. Alors, il peut être sur un support ou il peut être suspendu. Voilà. Et donc, la danse du tambourin, vous la connaissez, on se donne la main, on se balance, on baisse, voilà. Donc, juste un dernier commentaire par rapport. Non, on est là pour ça. Concernant la place des femmes, alors c'est une petite victoire, parce que dans les dites-moi si je me trompe, mais ce que j'ai observé dans le cadre de mes déplacements, la place des femmes, notamment dans les rituels amérindiens, la femme est exclue des rituels amérindiens. Si on considère que ça c'est un rituel, effectivement, on comprend pourquoi elle ne joue pas d'instrument, mais on peut effectivement considérer que c'est une petite victoire, si on ne les voit pas comme un faire valoir, mais une petite victoire qu'elle soit associée effectivement au. Absolument. Tout à fait vrai. Pour le cachirer, elles ne boivent pas de cachirer. Elles sont exclues. Elles servent de casser. Le fabricant. Puis, vous remarquerez une chose également, on a pu apercevoir une chanteuse. Là aussi, c'est quelque chose d'exceptionnel, n'est-ce pas? On voit la chanteuse là. C'est-à-dire que ce groupe-là, particulièrement à la Rwanda, c'est un groupe qui apporte une fraîcheur au samboula, n'est-ce pas? Il y a des innovations, n'est-ce pas? Et là, c'en est une. La chanteuse, là. Normalement, elle ne devrait pas se trouver là. Je vais vous montrer dans cette vidéo qui illustre très bien la musique, donc un aspect de la musique des Amérindiens. Parce que là, il s'agit des Kalinyas. Et chez les Kalinyas, le samboula est une musique de référence. Mais il y a d'autres communautés, d'autres cultures qui ont d'autres danses et d'autres musiques. Et là, depuis quelques temps, donc, le samboula se donne en spectacle. N'est-ce pas? Là, c'est un spectacle. Parce que lors des cérémonies, les choses ne se passent pas comme ça. Vous avez certainement vu, ou bien à la télévision, ou bien sur place, où le public est face à l'orchestre, n'est-ce pas? Et on se tient par la main, n'est-ce pas? Le plus souvent, on reste sur place, on décolle les talons, mais il arrive également qu'on avance et qu'on recule. Et le chant est interprété par un leader, il est repris à l'unisson par la foule, et à un certain moment, il y a le leader qui lance un cri, n'est-ce pas, qui est repris par la foule, on arrête, n'est-ce pas, et on repart comme ça. Ça peut se passer toute la nuit, selon l'énergie qui reste encore dans les bassins. Voilà. Alors, je n'ai pas voulu vous passer... de la musique créole traditionnelle, je dis bon, tout le monde a déjà entendu et vu le Kaseko, le Dragé, le Vérole, on le connaît. Chez les Bushinengue, c'est déjà plus rare. Et là, j'ai tenu absolument à vous la passer, malheureusement, pas besoin d'avoir le son, parce que c'est lors d'une visite à Maripasoula que j'ai pu effectuer. Vous remarquerez, ce sont les jeunes. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais c'est le groupe, vous pouvez voir, je ne sais pas si on le lit dessus, c'est African Picking. Picking, oui. Voilà. Ce sont les jeunes. Alors, c'est un groupe qui est très intéressant, qui prend en main la culture à Maripasoula, n'est-ce pas, et dont le but est de mettre en avant, bien entendu, la culture des Bushinengue. Alors, c'est ce groupe-là qui organise une manifestation qui est très importante, qui est le Pangui Human Festival, quelque chose de ce genre-là. Donc, c'est une cérémonie, en fait, qui met en valeur la femme Bushinengue et en même temps le Pangui. Le Pangui qui est un pagne ancestral et le Pangui qui a toute une tradition de broderie, n'est-ce pas? Et les femmes Bushinengue enseignent à leurs enfants, n'est-ce pas, comment broder le Pangui. Alors, cette musique est très intéressante. Comme chez nous, vous remarquerez, l'essence africaine y est, puisqu'on retrouve toujours les fameux tambours, n'est-ce pas? Chose extraordinaire, ils sont également au nombre de trois. Dans la musique créole, ils sont également au nombre de trois. La seule différence, c'est que chez nous, les tambours se tapent à la main, tandis que vous remarquerez, le premier, là, à partir de la droite, il a une baguette, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, n'est-ce pas, c'est la danse. La danse, alors ici, les dames dansent l'awassa. Alors, il y a deux danses, comment dire, que, comment expliquer, deux danses profanes, si je puis dire. Parce que si nous, aux créoles, nous avons perdu le côté sacré du tambourin, n'est-ce pas? Les Bushinengués l'ont conservé. Les Bushinengués ont des danses sacrées, n'est-ce pas? Les Komanti, je ne sais plus, les autres. Il y a des danses sacrées, il y a des danses guerrières, nous avons perdu tout ça. Et voilà, on revient à la zone créole, n'est-ce pas? C'est le fait d'avoir côtoyé les colons, on a plutôt voulu prendre ce qu'il y avait de bon, qui nous semblait peut-être de bon, qu'on nous a imposé, je ne sais rien, et on a laissé de côté tout ce qui faisait en fait notre originalité, n'est-ce pas? Et les Bushinengués, ils les ont conservés. Alors cette danse est extraordinaire, si on peut la revoir, c'est Tony. Oui. Je vous demanderai de suivre particulièrement, les pieds. Alors, juste une petite anecdote. Quand j'ai montré cette vidéo à certains de mes amis, ils ont pensé que je voulais montrer le postérieur de la vidéo. Non, ça n'a rien à voir. Ce sont les pieds qu'il faut regarder. Et vous allez, ça va s'emballer. C'est toute la beauté, c'est toute l'esthétique de la danse. Voilà. C'est un pas particulier. Et je ne sais pas si en rentrant vous voulez essayer de le faire. C'est pas simple. Alors vous remarquerez également qu'ils ont des saunas aux pieds, n'est-ce pas, les fameux saunas qu'on appelle des kawaii, qui sont faits à partir de graines de laurier. Et alors voilà, par exemple, on disait tout à l'heure, on parlait de ce lien entre Amérindiens. Les kawaii viennent des Amérindiens, n'est-ce pas? Alors les kawaii, on peut les trouver aux chevilles, mais on peut également les retrouver aux genoux, n'est-ce pas? Et les kawaii représentent une partie de l'orchestre, n'est-ce pas? Quand les dames dansent, elles tapent les pieds sur le sol. Et là, c'est très important, parce que vous remarquerez que chez les Saramaka, quand les dames dansent, elles ne tapent pas le pied sur le sol, parce qu'elles n'ont pas de kawaii, elles glissent. Quand par exemple les Saramaka dansent le Seketi, une danse de beaucoup plus calme, eh bien elles ne tapent pas le pied sur le sol, elles le glissent. Elles n'ont pas de kawaii, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, donc je disais, là, on a un aperçu de la Wassa. Alors, il y a une autre danse également, le Songé. Alors, je ne suis pas spécialiste pour mettre en évidence les différences caractéristiques, mais il y en a une qu'il est bon de noter, c'est que pour le Songé, on ajoute aux trois tambours, on ajoute une petite planche, n'est-ce pas, sur laquelle vous avez un certain nombre de musiciens qui tapent avec des bâtons. Alors, la Wassa a toute son esthétique, il y a toute sa chorégraphie, il y a tous les mouvements, n'est-ce pas, qu'il faut connaître. Hein. Les Bushinengués, en principe, associent leur danse aux animaux, n'est-ce pas? Alors, le fait d'avoir, par exemple, dans le Seketi des Saramaka, mais quand les dames arrivent, n'est-ce pas, on voit ça symbolise un oiseau partout. Et chez les Amérindiens également, particulièrement chez les Teko, eh bien, il y a des danses qui sont influencés par également les animaux. Il faut bien comprendre que c'est un peuple naturel, qui signifie que c'est un peuple qui vit avec la nature. Et autour d'eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont des animaux. Des animaux qui les inspirent et qu'ils admirent. Et c'est pour cette raison qu'ils veulent reproduire la majesté de certains animaux, n'est-ce pas? Et ça, c'est extraordinaire. Et nous avons perdu tout cela. Et on revient encore, alors que nous, dans nos danses créoles, nous essayons de reprendre les farandoles de Bretagne. On va danser dans cette émission, mais en même temps, avec celle que je vous propose maintenant, ça va être compliqué. C'est même la vidéo, quand je la lance, il n'y avait pas de son. Voilà. C'est ça, oui, c'est ça, la danse des noirs marrons. Ah, c'est celle-là. Alors, dans ce contexte, il y a une grosse erreur. faux. Les danseuses balancent leurs mains, cabalent leurs mains pour exprimer leur joie. Josiane a créé l'association West Réussite. Elle donne des cours de danse pour préserver ce patrimoine culturel. J'ai choisi de m'impliquer dans cette danse parce que c'est la danse traditionnelle des Bushmeyé. C'est une danse qui nous permet de vivre ensemble, d'apprendre le respect. Ça nous permet d'avoir une cohésion, en fait. Je veux préserver cette danse qui est en perdition. La Wassa est pratiquée lors des levées de deuil, des manifestations culturelles ou encore des fêtes. Les femmes portent un pangui, un genre de pareo aux couleurs bushinengue. On retrouve des bangis sous différentes formes. Il y a des bangis brodés comme ceux que je porte là. Il faut savoir harmoniser les couleurs pour pouvoir représenter des motifs sur les bangis qui font passer un message en fait. L'autre accessoire de la Wassa, c'est le kawai. Un petit bracelet porté à la cheville pour accompagner le rythme du tambour. Bonjour. Ce matin, je suis au marché pour chercher des graines de kawai. Voilà, je voudrais confectionner une paire de kawai et pour ça, il me faut des graines. Le monsieur qui est derrière moi, il est en train de faire un kawai. Il faut faire une fente sur la manchette de la graine pour faire des trous. On va prendre des ficelles de 10 cm. Et mettre deux graines à chaque extrémité. Depuis les années 80, la Wassa est enseignée dans des écoles et des associations pour le faire subsister. Grâce à la danse, je peux me libérer de tout le stress de la semaine et je mets mes émotions dans la danse. Je suis avec ma petite sœur, bien aussi mes cousines, et de temps en temps, on apprend à nos petits frères. L'association West Réussite organise des cours de danse gratuits et œuvre pour le rapprochement des jeunes Guyanais avec leur patrimoine culturel. Là, c'est bien puisque on prévoit l'avenir en enseignant aux jeunes, n'est-ce pas? Et c'est ce qui va permettre ça. Alors, comme vous disiez, on est en face de l'orchestre, je tiens la main. Voilà. Mais on peut continuer, c'est à peu près des questions où on n'a pas pu, je n'ai pas pu aller plus loin dans mon discours, mais sinon je continue. Parce que là, on était encore au stade du début, je ne sais pas si le temps permet, si on peut continuer. Oui, il n'y a pas de problème, c'est au pied de bar. Donc là, il a fallu, je pense qu'il était nécessaire de poser les bases de la musique guyanaise. Alors, oui, cette richesse, on ne peut pas passer à côté. On ne peut pas passer à côté. Et on ne peut pas aller à l'affrontement. On doit se rassembler. Et chacun, dans ma conception de la trilogie, chacun arrive et reste avec ses particularités. Les Amérindiens resteront Amérindiens, les Bushinengue resteront Bushinengue, les Créoles resteront Créoles, et c'est l'ensemble qui va former cette trilogie et qui va donner à la Guyane, n'est-ce pas, sa musique traditionnelle. moi j'insiste sur la musique traditionnelle. Et alors, à partir de la musique traditionnelle, maintenant, eh bien, on va arriver à cette fameuse musique populaire. Parce que il faut qu'on se rende compte d'une chose, c'est que toutes les musiques au tambour des Noirs, qui aujourd'hui sont passées musique traditionnelle, ont d'abord été musique populaire. Parce qu'une musique ne peut pas être traditionnelle. La tradition intervient après la transmission, n'est-ce pas? C'est après avoir été transmise de génération en génération que cette musique finit par devenir traditionnelle. Et à ce propos, concernant la musique des créoles, il faut savoir une chose, c'est que, je vous disais un instant, qu'il y a quelques années, il n'y avait plus de samboula à Walaya Limapo. On a connu à peu près le même phénomène concernant la musique traditionnelle, concernant la musique créole. Les esclaves, les libres de couleur, avaient donc pour instrument le tambour. Dans l'émancipation des libres de couleur, ils ont pu avoir accès au violon, n'est-ce pas? Mais il faut bien comprendre que l'âme de la musique des Noirs en Guyane et ailleurs, en Amérique, a été le tambour. L'abolition de l'esclavage a été suivie par un événement qui a marqué profondément la Guyane, c'est la découverte de l'or. Et la découverte de l'or a engendré des transformations dans la société guyanaise. La fin de l'esclavage a remis en question la suprématie des colons, puisqu'ils n'ont plus leurs biens. Et la découverte de l'or va permettre justement à certains affranchis, à certains esclaves, de s'enrichir. Il y aura un grand bouleversement politique en Guyane du fait que tous les postes clés qui étaient tenus par les colons, eh bien, sont maintenant, les colons, il y en a qui sont partis, bien entendu, vont être occupés par, justement, les libres de couleur, les mulâtres, ceux qui ont pu faire fortune grâce à l'exploitation de l'or. Il va donc apparaître une bourgeoisie créole, mais qui n'aura qu'une seule ambition, en fait, c'est de reprendre les habitudes des colons. C'est-à-dire, on revient à cette sempiternelle question de l'assimilation à la culture française. Donc, les mêmes habitudes des colons, c'est-à-dire les soirées mondaines, c'est-à-dire les pièces de théâtre, vont être reprises par les nouveaux riches, n'est-ce pas? Mais ce désir de francisation ira beaucoup plus loin, à un point tel que les nouveaux riches vont faire, si vous voulez, disparaître toute la partie, entre guillemets, nette qu'ils avaient entre eux. Ce qui se traduit tout simplement par la musique, par exemple. Et bien, la nouvelle bourgeoisie s'est accaparée de la musique créole, la musique au tambour. Certains rythmes ont été anoblis, tels que le gragé. Le gragé a été la danse créole des salons bourgeois. Tandis que le kaseko, par excellence, était vraiment la danse à bannir. Et le fait de créer cette division aura un rôle très important, parce que le petit peuple, lui, qui veut aspirer, qui veut ressembler à ceux qui sont arrivés, vont suivre le courant. Ce qui fait que le tambour, n'est-ce pas, sera délaissé. Le tambour sera délaissé à un point tel qu'il sera considéré comme une activité réservée aux gens de mauvaise moralité. Déjà, les danses au tambour vont se donner dans les fameuses la salle convoi, dans la dernière de celle de Mme Sirotte, qui n'a pas gardé l'essentiel des véritables salles convoi. Madame Sirotte est devenue simplement une dancing. Les salles qu'on voyait de l'époque avaient d'autres vocations, n'est-ce pas? Chaque salle avait son groupe, il y avait un nom, et il y avait toute une cérémonie, tout un cérémonial qui était exécuté avant, pendant et après. Bon, chez Mme Sirotte, à ma connaissance, hein, je ne suis pas spécialiste, mais à ma connaissance, le cérémonial qui est resté chez Mme Sirotte, c'était que la première danse, je crois, devrait être un dragée. Je ne sais pas si c'est à peu près quelque chose comme ça. Sinon, chez Mme Sirotte, on danse que de casse-coureur. Donc, la musique au tambour a été reléguée aux oubliettes parce que les nouveaux bourgeois se sont épris des danses qui avaient, comment dire, la côte, les danses qui étaient populaires dans les salons de Paris, n'est-ce pas? Telles que la valse, la mazurka, la polka, le quadrille, n'est-ce pas? C'était ces danses-là qui étaient à la mode. Et si on voulait faire partie de la classe supérieure, eh bien, il fallait se mettre à la polka, se mettre au quadrille, se mettre à la valse. Donc, de ce fait, le tambour a été banni. Et c'est grâce, et vous comprendrez pourquoi je vous dis ça, c'est grâce aux communes que le tambour a survécu. Parce que les gens des communes n'avaient pas la chance d'avoir des orchestres. Donc, ils pouvaient avoir un instrumentiste, une flûte, une clarinette, mais ils n'avaient pas la chance d'avoir tout l'arsenal pour faire danser. Donc, le tambour est resté dans les communes, l'âme de la musique, n'est-ce pas, du peuple. Et c'est ce qui va se passer dans les années 1940, n'est-ce pas? Les gens, les habitants de ces communes-là, puisqu'il y a une précarité dans la commune, on n'a pas de travail, les gens viendront sur Cayenne. Et ils viendront sur Cayenne avec leur tambour. N'est-ce pas? Et c'est à ce moment-là que la musique au tambour va renaître progressivement dans Cayenne pour reprendre ses couleurs. Alors l'exemple que tout le monde prend, c'est celui de Mme Sirotte. Et Mme Sirotte, n'est-ce pas, qui est dans les années 1940, après avoir vécu la musique au tambour dans son Sinanari natal, quand elle arrive à Cayenne, elle se rapproche de quelques-unes de ses amies et elles vont essayer de reprendre leurs habitudes, n'est-ce pas? On n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Hein. On essaie Cayenne, c'est nouveau, c'est pas forcément hostile, mais on essaie de se regrouper et pour reprendre ses habitudes. Et c'est comme ça, petit à petit, que le tambour va reprendre sa place. Et il faut savoir qu'au début, eh bien, c'est une activité qui était critiquée. On se moquait d'eux, elles sont de colibets, qu'est-ce que c'est que ça? Et toujours la même idée, on associait le tambour au tafia. Par exemple, ce qui m'a été rapporté souvent, c'est qu'on disait, ah, c'est rock et c'est du tafia. Le tambour était associé à ça. Et il a fallu, n'est-ce pas, la persévérance, et surtout, ce qui a permis donc au tambour de renaître dans Cayenne, c'est surtout ces gens-là que l'exode rural avait emmené dans la périphérie de Cayenne. Parce qu'il faut savoir une chose qui est très importante également. Je ne sais pas si vous êtes demandé pourquoi la salle qu'on connaît, la Sirotte, se trouvait à l'endroit où elle était. En fait, à l'époque, n'est-ce pas, Cayenne était divisée. N'est-ce pas? Il y avait des limites dans Cayenne. Le canal Lossa en était une, le boulevard Giblin en était une autre, et la Rochelle-Cher en était la troisième. Tout ce qui se trouvait à l'intérieur, c'était Cayenne, et puis la périphérie. C'est ce qui explique pourquoi on a eu Nana de l'autre côté de la crique, n'est-ce pas? Et Mme Sirotte était également à la limite, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, pour avoir vécu une expérience, je me dis que ce n'était pas une mauvaise chose. Parce que j'ai connu une amie qui habitait dans les parages, et je vous assure, les soirs de danse, de bal qu'on voit, eh bien, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc, c'est bien pour cette raison. Alors, il y a en effet des textes de loi. Oui. Donc, je pouvais juste pour rebondir sur la localisation de là où c'est le buisson ardent. Mm-hmm. C'est qu'à l'époque, enfin avant, hein, ça, c'est, je me souviens, c'était au passage de M. Christine Sarge qui avait parlé de l'urbanisation de Cayenne au XVIIIe siècle. En fait, l'avenue d'Estrie aujourd'hui, c'était l'une des seules rues qu'il y avait sur Cayenne, c'était l'allée du roi avant. Et en fait, c'est l'une des seules voies de Cayenne, hors le centre-ville qu'on connaît aujourd'hui. Exact. Donc, c'est pour cette raison qu'on aura, juste à côté, à l'emplacement, alors il y a une librairie, là avant c'était Jean Charles, aujourd'hui c'est La Poste, oui. Mais là également il y avait un dancing, c'est le fameux dancing parade. Alors vous avez certainement entendu parler de l'affaire des Sénégalais. Et bien, c'est dans ce dancing-là, en 1945-46, c'est dans ce dancing-là qu'a débuté l'affaire des Sénégalais, et vous savez ce qui s'est passé après. L'histoire en deux mots, c'est lors d'un bal, un Touloulou se fait démasquer par un tirailleur sénégalais. Alors, c'est sacré, le Touloulou est sacré, bien entendu. Donc, les danseurs qui étaient à côté ont réagi. Et paraît-il même, ils ont même rosté le tirailleur qui avait osé commettre ce sacrilège. Mais lui, il n'a pas entendu de cette oreille-là. Et il est allé appeler secours. Et c'est, c'est qu'on passe sans revenu. Et puis, ils ont tout saccagé. Hein. Et si au moins ça s'est arrêté là, on aurait dû comprendre. Mais c'est que dans les jours qui ont suivi, les choses ont repris de façon plus tragique. Okay. Ah oui, on a tiré, il y a eu des morts. Voilà. Ah oui, on a tiré, il y a eu des morts, n'est-ce pas? Et les gens fuient, hein, les gens quittent Cayenne pour se réfugier dans les communes, n'est-ce pas? Et ça a dû durer 3 ou 4 jours. Alors en fait, rapidement, pour revenir à cela, deux choses à dire concernant cette affaire. Je vous disais tout à l'heure, que les Saramaka, malgré tout, tout ce qu'on pouvait dire de négatif, ils avaient quand même une vie privée avec les dames créoles. Vous connaissez l'expression qui dit la nuit, les chats sont gris. Voilà. Alors, dans cette histoire des Sénégalais, il y a une version. Il y en a plusieurs. Il y en a une qui soutient que le tirailleur a reconnu une de ses femmes, n'est-ce pas? Et c'est d'autorité qu'il l'a fait. Pardon, c'est très important parce que vous savez une chose, et vous voyez, tout est lié. Vous souvenez, tout à l'heure, je vous disais d'une part que les créoles ne voulaient pas qu'on les appelle Bossal. Je vous disais, quand j'étais plus jeune, j'ai connu l'histoire de Saramaka. Eh bien, les Sénégalais ont subi cette discrimination. Oui, Sénégalais. Et vous savez, comme je vous dis encore une fois, nous, le fait d'avoir existé à côté des colons, on a perdu nos traditions. Les Sénégalais, ils avaient toutes leurs marques sur leur visage. Et bon, et puis vous savez, il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. On disait qu'ils étaient noirs, ils sont noirs, on dit qu'ils étaient noirs et qu'ils avaient encore des traces sur eux. Donc, les Sénégalais n'étaient pas appréciés le jour, n'est-ce pas? Et bon, paraît-il que la nuit, c'était pas la même chose, n'est-ce pas? Donc voilà, c'était juste ça. Et si vous regardez bien, nous avons des descendants de Sénégalais en Guyane. Il y a pas mal de personnes qui portent des noms qui ne sont pas des noms d'esclaves, qui sont des noms de travailleurs sénégalais, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, tout ça est lié, et aujourd'hui encore, hein, on retrouve ce problème de noir, pas trop noir. Voilà. Est-ce une séquelle de l'esclavage, d'un complexe je ne sais pas, mais ça nous pèse, et peut-être qu'un jour, on arrivera à s'en débarrasser. Alors, on va essayer d'avancer un peu, et ici, donc, la musique traditionnelle, on va arriver donc à la musique populaire. Et alors, le problème qui s'est posé concernant la musique populaire guyanaise, c'est en fait qu'il n'y a pas eu la transition logique. Dans beaucoup de pays, des grandes nations musicales, telles que Cuba, par exemple, la transition s'est faite. C'est-à-dire, à partir de la musique traditionnelle cubaine au tambour, n'est-ce pas, il y a eu l'apport des instruments de la lutherie moderne, et on est arrivé à mettre en valeur les rites traditionnels au son des orchestres de la lutherie moderne. Ce qui fait que la Cuba possède sa musique traditionnelle et sa musique populaire sont deux musiques qui sont cubaines. Quand on les écoute, il y a c'est la musique cubaine. Nous, en Guyane, on a fait l'impasse. On a fait l'impasse parce que, en fait, je pense que l'une de nos faiblesses, c'était que nous n'avions pas de personnes suffisamment instruites en musique pour faire la jonction en quelque sorte. C'est-à-dire que la musique au tambour étant une musique, il ne faut pas croire qu'elle est si simple que ça, mais en fait c'est une musique naturelle, elle est instinctive, elle est percussive, mais elle est instinctive, n'est-ce pas? Mais sans me contredire, elle est instinctive, mais il y a des techniques qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas si l'expression est juste, mais ce n'est pas une musique intellectuelle. Loin d'être une musique savante, n'est-ce pas? Donc, une fois que nous avons mis de côté la musique au tambour, une fois que les musiques à la mode de Paris sont arrivées, nous nous sommes amusés à les reproduire. Et l'événement qui va vraiment causer la perte, entre guillemets, de la musique populaire, c'est l'arrivée des disques et de la radio. Alors, bien entendu, ça ne date pas de 1900, hein, ça date de plus loin, 1900, je ne sais pas, peut-être 40, 30, 50, 40, je ne sais pas. Mais entre l'abolition de l'esclavage et cette date, n'est-ce pas, sauf la biguine et la mazurka qui sont arrivées, qui ont été, beaucoup emploient l'expression créolisée, pour une fois, je n'aime pas l'expression créolisée, la biguine et la mazurka sont arrivées grâce au génie des musiciens. Puisque la polka elle-même, c'est elle qui aurait donné la biguine. N'est-ce pas? Parce que pour l'esprit, dans l'esprit des Guyanais, la polka c'est une biguine. Bon, alors, vous connaissez l'histoire de la biguine, les Martiniquais se sont appropriés la biguine exclusivement. Ce n'est pas le débat, mais il faut savoir qu'il existe une biguine guyanaise. Voilà, juste ce que je veux dire. Donc, à partir de 1940, donc, 50, 40, 50, la radio et les disques vont causer la perte de la musique guyanaise. En ce sens que, on va entendre de belles musiques et on ne voudra danser que sur ça. Donc, tous les orchestres qui vont se mettre en place, s'ils veulent exister, ils sont obligés de jouer ce qu'on entend à la radio. Et jouer exactement ce qu'on entend à la radio. Alors, ce procédé a fait de nous des copistes, n'est-ce pas? Pendant longtemps, pendant de très nombreuses années, et les musiciens guyanais se sont contentés de reproduire. Il y a même une anecdote qui est raconté par un musicien haïtien, je crois que c'est un musicien du groupe Les Frères des Gens, j'en suis pas sûr, mais c'est un musicien haïtien, qui vous a remarqué, avec toute son ironie, que les musiciens guyanais sont de très bons copistes. Parce que dans un de nos morceaux, il y a une erreur, et quand il joue le morceau, il joue de la même erreur. Donc, il n'était pas capable de discerner que là, il y avait une erreur. Bref. Bon. Donc, pendant de nombreuses années, les musiciens guyanais vont se contenter de répéter, de répéter, de répéter. Certains appellent carbone, de répéter, de répéter. Et, entre-temps, malgré tout, dans les années 1930, on a deux enregistrements de musiciens guyanais. Il y a un enregistrement qui a été réalisé par un orchestre, j'ai oublié le nom des musiciens, qui a repris, en fait, les morceaux de Samuel Lumet. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la radio une fois. Moi, je l'ai vu une fois, peut-être qu'ils l'ont monté plusieurs fois. Et on monte en 1930 une chanteuse. Elle s'appelle. Excusez-moi. Là, il manque de faire des fous. Et il y a une chanteuse qui interprète des morceaux de Samuel Lubin. Ça a été enregistré, on a même des images à ce propos, n'est-ce pas? Il y a eu ça, et puis il y a eu également un musicien dont l'origine n'est pas très certaine, c'est un musicien hindou. Pour certains, il est entier, pour d'autres, il est guyanais, bon, le problème n'est pas là. C'est qu'il a enregistré également, dans les années 1930, 1935, un disque avec une composition. Sinon, il faut attendre, il y a des mouvements qui vont se mettre en place. Et il y a Yvon Roulus, qui dans les années 50-55, va créer la première édition musicale en Guyane. Pour la première fois, n'est-ce pas? Parce qu'entre-temps, les Guyanais vont essayer d'enregistrer. Mais pour enregistrer, on n'enregistre pas en Guyane. On avait malgré tout certains techniciens à l'époque, on appelait Radio Cayenne, qui pouvaient enregistrer. On a des bonnes. Hein, par exemple, Yvon Roulus a de nombreux avec, parce que perd son âme. Mais ils allaient au Suriname ou alors aux Antilles pour enregistrer. Et là, on a Yvon Roulus qui, avec de modestes moyens, hein, un petit magnétophone comme ça, une piste, hein, qui va commencer à enregistrer. Et malheureusement, on a oublié, il y a un disque qui a été enregistré à cette époque-là. C'est un disque qui est enregistré par l'orchestre Antoine-Édouard. Avec des titres tels que, je ne sais pas si vous avez entendu ce titre-là, Sacré Négresse. Voilà. Et bien ce disque-là, il est passé inaperçu, mais c'est vraiment le disque, c'est vraiment ce disque-là qui ouvre, n'est-ce pas, les portes aux musiciens guyanais, parce qu'il est enregistré ici, mais bien sûr, toutes les autres opérations sont faites en métropole, mais il a été enregistré ici. Et ces morceaux-là sont vraiment des compositions, n'est-ce pas, qui devraient faire partie d'une anthologie de la musique guyanaise, n'est-ce pas. Ensuite, le deuxième élément qui va encourager les Guyanais à enregistrer, c'est dans les années, je pense, 80-90, la création du véritable studio, qu'on appelle la 3S, trois artistes, dont les noms commencent par S, donc Sénélis, Sinclair, le troisième Sénélis, Sinclair, et CBE, le deuxième CBE, vont se mettre ensemble, ils vont former, ils vont mettre en place un studio d'enregistrement qui n'a rien à voir avec celui d'Yvon Roulus, mais qui est encore bas de gamme. Mais en tout cas, on peut enregistrer en Guyane. Et à partir de ces dessins-là, on va voir apparaître, n'est-ce pas, des compositions. Les Guyanais vont commencer à composer, n'est-ce pas. Et aujourd'hui, eh bien, nous sommes arrivés à pas la plénitude, mais encore aujourd'hui, avec les home studios, mais tout le monde peut composer. Et c'est ce qui permet de dégager maintenant une musique populaire guyanaise. Alors, cette musique populaire guyanaise, on peut y trouver deux parties, si vous voulez. Ce que moi j'ai appelé la variété créole, c'est encore la même chose. On reprend tout ce qui vient d'ailleurs, si vous voulez trouver des zouks, du compas, tout ce qui revient, tout ce qui vient de l'étranger, mais qui est repris par des musiciens guyanais. Et à côté, on trouve ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé, la variété guyanaise. Alors la variété guyanaise, c'est ce qu'on pourrait appeler, ce que certains ont appelé, jadis, la musique du monde. Alors moi, je n'accepte pas cette appellation musique du monde. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, le terme musique du monde a pris naissance ailleurs que chez nous. A pris naissance en Europe, aux États-Unis, où on recevait une musique qui n'était pas la nôtre. Donc, c'est pas la musique, c'est la musique du monde, d'ailleurs. Mais moi, qui suis guyanais, je ne peux pas dire que ma musique est une musique du monde. Ma musique, c'est la musique guyanaise. Que celui qui est là-bas ne reconnaissent pas ma musique et qu'ils disent du monde. Non, c'est son droit. Mais moi, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre, qu'on ne peut pas, on ne peut pas continuer à dire qu'on fait de la musique du monde. Non, on fait notre musique, c'est de la variété. Et c'est ce que moi j'ai appelé la variété guyanaise. Et le terme guyanais a son importance parce que il y a un élément, souvenez-vous, je vous disais tout à l'heure, que le tambour, qui était l'âme de la musique guyanaise, et le tambour, l'élément fédérateur, n'est-ce pas, entre Amérindiens, Bouchinengue et Créole. Eh bien, cette variété guyanaise sera caractérisée par la présence du tambour. Et c'est le tambour qui va montrer que cette musique, elle est de Guyane. Le tambour n'est pas forcément un instrument guyanais, il en existe partout ailleurs. Seulement, les rythmes guyanais sont des rythmes guyanais. Ils peuvent ressembler à d'autres rythmes de l'Orient, puisque nous revenons toujours au même point de départ. Tous les Noirs viennent d'Afrique, n'est-ce pas? Nous savons comment ça s'est passé, n'est-ce pas, la vente des esclaves. Les esclaves ont été éparpillés à droite et à gauche, c'est un souci. Mais la musique, la variété guyanaise, elle est caractérisée par le tambour. Et le tambour, en principe, vous savez, nous avons trois tambours. Nous avons le tambour, le petit tambour pour le gragé. Nous avons le grand tambour pour le camongué. Et nous avons le tambour en tonneau, n'est-ce pas, pour le kaseko. Mais c'est le tambour kaseko, n'est-ce pas, que l'on retrouve dans la variété guyanaise. Alors, cette variété guyanaise, elle est née d'une volonté, n'est-ce pas, de se défaire de l'hégémonie de la musique antillaise. Pour qu'on comprenne bien, la musique antillaise, n'est-ce pas, s'est imposée en Guyane. N'est-ce pas? Tous les artistes de Martinique avaient leur place. À l'époque, c'était la musique, c'était ça. Il fallait avoir, je ne sais pas moi, le dernier Henri Debs, le dernier Malavoie, je ne sais pas. C'était ça. C'était ça. Et, comme je vous disais, il fallait dans les balles jouer ces musiques-là. Sinon, l'orchestre ne valait rien, n'est-ce pas? Donc, il y a une nouvelle génération de musiciens qui est arrivée, qui a fait la révolution, c'est toujours la même chose. La révolution est toujours les jeunes. Les jeunes qui refusent, n'est-ce pas, et qui veulent exprimer, n'est-ce pas, leur état d'âme, leur identité. C'est à la recherche de leur identité, qui se sont retrouvés autour du tambour, et n'est-ce pas, maintenant vous allez remarquer que tous ceux qui revendiquent cette guyanité, ils vont absolument mettre un tambour dans leur musique. Un rythme. Et j'ai même vu maintenant, même dans le dancehall qui était plus ou moins préservé, on retrouvait ça dans le style. Oui, ce qui peut ressembler au zouk, ou alors ils ont créé leur propre musique, mais le dancehall jusqu'à maintenant était pareil. Donc la musique, n'est-ce pas, cette musique guyanaise, elle est là. Et ici, on a un exemple qui est particulier. Qui est particulier parce que Sana Manok, en fait, a un parcours intéressant. Particulier intéressant. Elle a d'abord, ce qui est rare chez nos musiciens ici, il faut dire qu'en Guyane, la musique a toujours été un passe-temps. D'ailleurs, il y a très peu de musiciens professionnels. Si on considère les professeurs de musique comme des professionnels, mais des artistes eux-mêmes dans les orchestres, à ma connaissance, il n'y en a pas, il y en a très peu. Donc on arrive, et puis c'est pour se faire plaisir. Par contre, une chose qui est particulière, tout en sachant que c'est un loisir, les musiciens guyanais n'hésitent pas à investir dans les instruments qu'ils utilisent, n'est-ce pas? Il est très rare de trouver des musiciens avec des instruments de mauvaise facture. Les musiciens mettent l'argent qu'il faut. Alors, je ne sais pas si on se dit qu'en achetant un instrument de haut de gamme, la musique sera haut de gamme, non, c'est rien. Mais en tout cas, c'est le cas. Ce n'est pas propre à la musique seulement. Les cyclistes mettent... Donc pour revenir à Sana Manok, elle a un parcours particulier. Nous parlions tout à l'heure de Marie-Laure Garnier. Je ne sais pas, je fais un petit peu le parallèle. Dans ce sens que elle a d'abord étudié la musique. Elle est passée par l'école d'orgue d'Hyperpluc. Et cette école d'orgue, on n'en parle pas, mais c'est une école qui a formé de nombreux musiciens et des musiciens, n'est-ce pas, de talent. Par exemple, Willy Costille, qui est maître de chœur à l'école de musique de Kourou et passé par l'école d'orgue, ce qui lui a permis de faire de grandes études à Lyon, n'est-ce pas? Il y a Christian Leblot également, qui est le directeur de l'école de musique de Matoury, qui est passé par là. Et puis il y en a d'autres dont le nom m'échappe. Donc, Saïd Manoff est donc passé par cette école entre autres. Elle a fait des études de musicologie et tout. Et elle s'est même essayée, et je pense que c'était ça sa vocation, elle s'est même essayée au chant lyrique. C'est ça? Oui, mais quand vous écoutez sa voix, vous sentez tout de suite, elle se laisse aller. Et voilà. Pourquoi j'en parle? Parce que ça revient encore à notre conversation. Il y a beaucoup de chanteuses noires qui ont été frustrées, à qui on n'a pas donné leur chance parce qu'elles étaient noires. L'exemple que je veux citer, c'est celui de Nina Simone. Nina Simone était une excellente pianiste, n'est-ce pas, qui voulait absolument se lancer dans le classique. Eh bien, les barrières ne lui ont jamais été ouvertes, elle s'est enfermée. Et je pense que Saïd Manoff a dû faire ses armes dans le chant classique. D'ailleurs, avant de se lancer dans cette aventure, elle avait déjà enregistré un CD d'inspiration plutôt religieuse. N'est-ce pas? Et si vous écoutez bien Saïd Manoff chanter, vous apercevez, n'est-ce pas, certains traits que l'on retrouve dans le chant lyrique. Une autre chanteuse qui a été frustrée également, une autre noire, c'est Josie Mas. Josie Mas également voulait être cantatrice, n'est-ce pas? Mais malheureusement, alors, bon, pour simplifier, on dit que parce qu'elles étaient noires, mais je ne vous apprendrai rien en disant que le chant lyrique, le chant, de façon générale, et particulièrement le chant lyrique, demande des qualités exceptionnelles. Donc, je ne dis pas qu'elle ne les avait pas, mais enfin, ça semble plutôt parce qu'elle serait. Bon, bref, n'empêche qu'aujourd'hui, elle est là, et elle a pu retomber sur ses deux pieds, et elle fait un travail qui est extraordinaire. Alors, vous me direz, le travail n'est pas si extraordinaire que ça, parce que certains lui reprochent justement sa voix, n'est-ce pas, qui n'est pas une voix nette, mais elle sait s'en servir. Elle sait s'en servir, non seulement donc elle sait s'en servir, et elle sait écrire. La musique de Saïd Manoff, c'est une musique qui sort des sentiers battus, n'est-ce pas? Et quand je vous disais à l'instant, le fait de s'être habitué à répéter la même chose, là on a quelqu'un qui arrive avec quelque chose de nouveau. C'est complètement nouveau ce qu'elle fait. N'est-ce pas? Elle chante, elle danse, c'est bien, n'est-ce pas? Et sa musique, n'est-ce pas, est particulière. Alors, chose extraordinaire, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui peuvent se vanter d'avoir un parcours comme elle. En 5 ans, n'est-ce pas, Saïd Manoff, n'est-ce pas, a tout bousculé. Elle a tout bousculé. Elle est venue une première année en Guyane juste pour une participation au Lindor. Et l'année d'après, elle est arrivée et elle a été primée pour une chanson, une très belle chanson qu'on appelle « Demain peut-être meilleur ». C'est celle où elle dit ça m'échappe. Extraordinaire chanson, n'est-ce pas, qui a été primée. Et puis, le tout dernier disque qu'elle a sorti l'année dernière, c'est Kimoun Moussa, n'est-ce pas, où effectivement, là, elle mélange toutes sortes d'influences pop, Jal Soul, n'est-ce pas? Et elle fait ressortir quelque chose qui est très important, c'est sa guyanité, n'est-ce pas? À travers le créole. Alors, on a remarqué cela, beaucoup d'artistes, mais de façon générale, beaucoup de personnes, quand elles quittent la Guyane, ne serait-ce que, je ne sais pas si elles sont déçues par la réalité, parce que vous savez comment ça se passe. Quand on est en Guyane, on a l'impression d'appartenir à un ensemble, on a l'impression d'avoir sa place dans cet ensemble. Et quand on quitte la Guyane pour aller par exemple en métropole, on commence à avoir des doutes. On se dit, ah, je ne savais pas que c'était comme ça. Et après, si on a eu la chance de trouver un groupe pour s'insérer, ça s'arrête là. Mais si malheureusement on n'a pas eu cette chance, on se rend compte que le ciel nous tombe sur la terre et on revient en réalité. Et à ce moment-là, les gens ont besoin, est-ce une vengeance, mais les gens ont besoin d'affirmer ce qu'ils sont. Alors, certains, n'est-ce pas, s'affirment par la violence, n'est-ce pas? Mais on a un bel exemple, c'est celui de nos poètes, tels que Damas, n'est-ce pas, qui au contraire écrivait ces airs, ces gens-là. Eh bien, il y a également la formule la plus simple, c'est celle de revendiquer sa langue. C'est ça? Et la revendiquer en public, parce qu'à la maison, on est ce qu'on est. À la maison, quand on est Guyanais, quand on est Guyanais, Martiniquais, Haïtien, Bosnien, quand on est ailleurs, on mange Guyanais, il n'y a pas de problème. À la maison, on ne part. Mais il y a ce besoin de dire aux autres que, ouais, vous êtes vous, mais je suis moi. N'est-ce pas? Et c'est ce que l'on retrouve dans ces chansons aujourd'hui. Elle s'affirme en chantant en créole. Et son dernier CD, n'est-ce pas, qui nous ça, d'ailleurs le titre est très révélateur, n'est-ce pas, on se rend bien que c'est quelqu'un qui, en fin de compte, était perdu. C'est quelqu'un qui a été bercé par la belle musique, qui s'est projeté dans la musique. Et qui, en fin de compte, se dit, ben, c'est pas ça, qui nous ça, en fin de compte. Et c'est là qu'elle exprime, n'est-ce pas, sa dualité. Très important, elle danse. Et ses compositions sont merveilleuses. Et elle a la chance de travailler avec son mari, n'est-ce pas, qui est également guitariste. Et ça donne. C'est dommage qu'on ne puisse pas écouter ça. C'est vraiment de la bonne musique. Et avec ça, elle a un passeport. Elle a un passeport pour l'avenir. D'ailleurs, elle a donné un concert il n'y a pas longtemps au New Morning, il me semble. C'est pas tant le chant, c'est l'instrument. C'est une pianiste, une vraie pianiste. On sent qu'elle a travaillé, elle a fait. Le chant aussi. Le chant aussi, mais moi c'est vraiment le piano. Pas moi. Mais c'est le même concert, hein. C'est bon. On sent bien effectivement en entendant qu'il y a, du travail de la voix, de la ligne vocale. Il y a plein de choses ce morceau est très intéressant. On n'a pas pu l'entendre. Alors, on n'a pas pu l'entendre dans son intégralité, mais on a une nouvelle tendance aujourd'hui de la musique populaire. C'est cet ensemble. Disons que dans la musique populaire en ce moment, vous avez le zouk et le compas, qui sont effectivement deux musiques différentes. Mais depuis quelques temps, les musiciens les associent dans un seul ensemble. Et là, vous avez entendu la partie combat. Et au début, elle ne fait pas peut-être forcément du zouk, mais elle fait, elle utilise un autre rythme. Et maintenant, on ajoute le compas, et particulièrement avec le synthé. N'est-ce pas? C'est le synthé qui annonce, qui donne la couleur. Bon, je ne sais pas si on passe à autre chose. Alors, oui. Alors, j'aurais voulu... Le dernier extrait? Oui. Alors, celui-là, il n'y a pas de son, pareil, mais... Ah, d'accord. Bon, s'il n'y a pas de son... Mais je crois que c'est les Blue Stars, non? Non, c'est le Firouz Trio. Alors c'est du jazz. C'était juste, voilà. Bon, ben, malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc c'est dommage. C'était juste pour parler du jazz et dire qu'il y a une aventure du jazz en Guyane. Et ce que je voulais faire ressortir, c'est bien montrer que le jazz a vraiment pris naissance en Guyane. Dans les années 44, quand les soldats américains sont arrivés en Guyane pour construire l'aérodrome de Rochambeau. Alors, c'était la guerre, et le gouverneur de la Guyane avait demandé que les Américains viennent protéger certains intérêts. Et les Américains demandaient à ce qu'ils puissent construire eux-mêmes un aéroport pour que la Guyane, c'est une espèce de tête de pont, puisque par rapport à l'Afrique, paraît-il que la situation de la Guyane, c'est une situation stratégique. Donc, les Américains sont donc venus construire l'aéroport de Rochambeau en moins d'un an, n'est-ce pas? Et c'est pendant leur séjour qu'ils ont distribué, n'est-ce pas, les fameux V-disques. Alors, vous savez, les V-disques, c'était les fameux 78 tours, que l'armée américaine avait mis en place pour distraire les militaires quand ils étaient en campagne. Et ces Américains-là, qui avaient sympathisé avec la population guyanaise, donc, offraient leurs disques. Alors, ils offrent autre chose, ils offrent les chewing-gums, les chocolats. Alors, les enfants, quand on les voyait, les enfants leur couraient après parce qu'ils distribuaient les chewing-gums et chocolat. Mais les jeunes adultes, eux, c'était les disques. Et c'est à partir de ces disques-là que les musiciens guyanais ont plus ou moins mis en place leur connaissance du jazz. Et à côté de ces disques-là, il y a une émission qui était diffusée depuis les États-Unis, qu'on appelait Voice of America, la voix de l'Amérique. Et à un moment, cette radio avait une émission au cours de laquelle elle passait justement des morceaux de jazz. Donc, les musiciens guyanais, ils étaient attentifs et quand arrivait l'émission, n'est-ce pas, ils écoutaient. Ils écoutaient et c'était ça leur école, en fait. C'était leur culture. Ils écoutaient pour reproduire, ils écoutaient pour déceler les harmonies, ils écoutaient pour s'enrichir, n'est-ce pas. Et ce sont ces éléments-là qui ont relancé le jazz. Parce que le jazz était déjà connu en Guyane avant l'arrivée des Américains. On n'y pense pas suffisamment, mais le jazz était d'abord une musique de danse. N'est-ce pas? Et les bandes de Cayenne, n'est-ce pas? Dans les bandes de Cayenne, on jouait du jazz. Alors, quand on dit qu'on jouait du jazz, on a l'impression qu'on jouait du blues. Non. On jouait particulièrement. Il y a un rythme particulier, n'est-ce pas, qu'on jouait. Et c'est ce que les musiciens appelaient jazz, en fait. N'est-ce pas? Il y a un morceau. Bon, vous m'excusez, là, c'est la fatigue peut-être. La mémoire. Par contre, c'est quoi le nom du groupe? Parce que je vais chercher. Free Roots Trio. Ah, Free Roots, ok. Oui. Et c'était ça le jazz. Alors parfois, on ne comprend pas, on se dit oui, mais c'est pas du jazz ça. Mais à l'époque, c'était ça, n'est-ce pas? Et puis, il y a à l'arrivée du cinéma, le cinéma italien, bien entendu, et il est arrivé un moment, bien entendu, que les films étaient parlants. Et dans beaucoup de films à l'époque, la musique était, n'est-ce pas, la musique de jazz. Donc les Guyanais, comme partout à l'heure, étaient friands de cinéma. Donc les Guyanais allaient, et n'est-ce pas, on avait déjà ce contact avec le jazz. Et quand les Américains sont arrivés avec leurs disques, alors les musiciens, n'est-ce pas, se sont mis à les reproduire. Et puis on avait, n'est-ce pas, dans les soirées, on avait, n'est-ce pas, des morceaux de jazz. Alors, on rappelle souvent qu'il y a un musicien qui s'appelle Maurice Chari. Eh bien, à l'époque, aujourd'hui, bon, je ne vais plus, la pandémie, on ne va plus. Mais à l'époque, les balles, les musiciens avaient ce qu'on appelle le premier morceau, c'est pas un intermède. Bon, ça me fait défaut. Mais tous les orchestres avaient un premier morceau qui annonçait leur musique. Eh bien, ce morceau-là, pour beaucoup, concernant l'orchestre de Maurice Chari, c'était un morceau de jazz, n'est-ce pas? Et il y a un morceau qui est resté, qui a fait la célébrité de Maurice Chari, c'était un musicien martiniquais, qui arrive en Guyane. Il était d'abord clarinettiste, après il est passé saxophoniste, n'est-ce pas? Franchement, vous m'excusez. Peut-être lancer l'extrait ou pas? Ben oui, c'est un peu vieux, oui. Ça me reviendra un morceau que je vous dis. Vous remarquez rapidement ce que je vous disais. Vous voyez le tambour, tout à fait à droite. Ça, c'est l'instrument caractéristique. Dès que le Guyanais veut, voyez-vous, le tambour créole. Alors, où il utilise pour le jazz, le fameux jazz guyanais, il est caractérisé par quoi? Mais on retrouve tous les aptitudes du jazz, le swing, le scat, n'est-ce pas? Et l'intérêt, c'est le tambour pour le rythme et puis la mélodie qui est en créole. Bien souvent, on reprend les mélodies de la tradition. Par exemple, on a vu Régine Lapassion chanter les Ranlots, avec des accents de jazz, n'est-ce pas? Et ils sont allés parce que, en fait, les Lapassion, Denis et Régine, sont vraiment des pionniers. Et on a vu Denis Lapassion reprendre, et on parlait du sampoula, il a repris un sampoula amérindien avec des sonorités de jazz. N'est-ce pas? Et c'est ce qui fait justement cette caractéristique du jazz guyanais. Parce que le jazz, on ne peut pas passer à côté. Le jazz est caractérisé par ses harmonies, des accords de septième, des accords complexes, n'est-ce pas? Un phrasé particulier pour l'improvisation, n'est-ce pas? Et ce qui lui donne son caractère guyanais, c'est justement le rythme du tambour. Ce rythme du tambour, il peut être interprété directement par le tambour, mais il peut être transféré sur un autre instrument, n'est-ce pas? Le plus souvent, c'est la batterie, n'est-ce pas? Le plus souvent, c'est la batterie. Mais, par exemple, il y a Denis Lapassion qui lui transmet sur son piano, n'est-ce pas? Et là, on ne peut pas se tromper quand on écoute ces morceaux-là. On se rend compte que c'est des belles. Parce que, effectivement, le jazz, tout comme le reggae, c'est des musiques qui ont envahi le monde. Ce sont des musiques, n'est-ce pas, qui, quand elles sont arrivées dans une région, eh bien, elles ont épousé la forme musicale de la région, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle, le reggae n'est plus jamaïcain. La source du reggae, c'est la Jamaïque. Mais il existe aujourd'hui particulièrement un reggae africain, par exemple. Et quand on parle du reggae africain, il y a différents artistes qui donnent une couleur particulière à ce reggae africain, n'est-ce pas? On avait Lucky Dub, il y a également Alpha Blondy, n'est-ce pas? Vous n'avez pas mal de choses. Il y a un reggae anglais avec UB40, n'est-ce pas? De par le monde, mais le jazz c'est la même chose. Le jazz parcourt le monde. Et aujourd'hui, ce qui fait encore la force du jazz, c'est le fait qu'on lui ait consacré une journée. Hein, je ne sais plus la date telle ou telle. En octobre, je pense. Non, pas octobre, non. Peut-être mars, je ne sais pas. Eh bien, normalement, la journée du jazz qui est mal interprétée en Guyane. En Guyane, pour la journée du jazz, on fait des concerts payants. Alors l'UNESCO qui a mis en place la journée du jazz, avait pour ambition de faire entrer le jazz dans les écoles pour que les enfants comprennent ce qu'est le jazz, n'est-ce pas? Que c'est une musique, n'est-ce pas, qui montre bien que les communautés peuvent vivre ensemble. N'est-ce pas? Parce que le jazz, si on revient aux sources du jazz, n'est-ce pas? Les sources du jazz, ce sont les chants. Hein, les spirituels, et dis-moi. Le chant. Hein, c'est d'abord le chant, le jazz, et après on est passé aux instruments. N'est-ce pas? Et le chant reprenait la douleur des esclaves. Le chant reprenait la douleur des esclaves. Et le chant, bien souvent, c'était des hymnes qu'ils apprenaient dans les églises. Et ces hymnes-là, c'était des hymnes occidentaux. N'est-ce pas? Et au fur et à mesure, disons qu'après la guerre de sécession, quand les armées ont été dissoutes, il a fallu utiliser les instruments des fanfares. Donc les Noirs ont pu avoir accès aux instruments. Et c'est à partir de cet instant-là que le jazz est vraiment devenu instrumental. Bien qu'auparavant, avec le piano, avec le ragtime, il y avait déjà une forme de jazz, n'est-ce pas? Donc, nos musiciens, les voici. Alors, concernant le jazz, hein, on remarque une chose, c'est qu'il y a très peu d'orchestres comme celui-ci. C'est un orchestre, comment dire, qui est établi. Je veux dire que c'est un orchestre qui existe. Ces trois musiciens existent depuis quelques années. Il y a deux orchestres comme celui-ci. Il y a également l'orchestre de Denis Lapassion, avec Denis Lapassion au piano, au clarinette à la basse, et le troisième batteur dont le nom m'échappe. Sinon, toutes les autres formations sont occasionnelles. Les musiciens se mettent. Et il y a un musicien dont on parle peu, mais qui pourtant a une grande importance dans l'émancipation, dans l'évolution du jazz mondial. C'est Farid Slimani, un guitariste. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le week-end, il forme des petits groupes, n'est-ce pas? Et il n'y a pas de club de jazz en Guyane. Par contre, ce qu'il a pu faire, on a pu transformer les hôtels et les restaurants. Dans les hôtels et les restaurants, on va retrouver un espace, n'est-ce pas, qui sera réservé au jazz. Et c'est ce qui représente aujourd'hui pour nous notre club de jazz, n'est-ce pas? Donc, le jazz, il avance et remarquera que les jazzmen guyanais sont pour la plupart des guitaristes. Et que le jazz qui est en Guyane, c'est plutôt du jazz fusion, le jazz rock. N'est-ce pas? Vous avez Jocelyn Furcy, vous avez Eric Baudeur, vous avez Luc Aristin. Ce sont des guitaristes qui, chacun à sa façon, exprime son jazz. N'est-ce pas? Donc, je voulais vous montrer ça. Alors, le batteur Thierry Tiansoko, il a une particularité, si vous remarquez bien, oui, il a une batterie qui est très légère. Alors d'habitude, dans la batterie, vous avez la grosse caisse, et puis vous avez différents tomes. Tome basse, tome aigu, tome bien. Lui, regardez, il a ici qu'un seul tome. N'est-ce pas? Il n'a qu'un seul tome. C'est sa particularité. C'est sa particularité. Voilà. Et puis, de temps en temps, je vous dis qu'il prend son tambour pour donner l'accent qu'il faut. Mais l'intérêt du jazz, c'est surtout l'improvisation. N'est-ce pas? C'est... Quand en fait on est saturé par la musique de variété qui ne nous apporte plus rien. N'est-ce pas? Donc on cherche, on a emmagasiné suffisamment d'éléments, on a une expérience suffisante afin de pouvoir s'exprimer. Et au-delà de ce désir de sortir de son carcan, il faut surtout être virtuose. On ne peut pas se lancer dans le jazz si on ne connaît pas son instrument. Et c'est ça la particularité. Quand les gens viennent, ils viennent écouter le solo. Donc, comme on dit, si c'est un solo à deux balles, c'est pas grave. Et par la même occasion, on arrive au chant, les chanteuses. Alors, il faut savoir une chose, c'est que en Guyane, comme aux États-Unis concernant le jazz, les femmes sont arrivées tardivement. N'est-ce pas? Puisque ça se comprend. Aux États-Unis, si aujourd'hui le jazz est représenté comme quelque chose d'extraordinaire, il faut savoir qu'au début, le jazz, c'était par un pauvre. le gaz se jouait dans des quartiers mal famés et il n'était pas question d'admettre des femmes dans ces conditions-là, n'est-ce pas? Cependant, les femmes avaient toujours le contact avec la musique. Elles pouvaient donc enseigner la musique, n'est-ce pas? Ou alors jouer la musique dans les églises, n'est-ce pas? Mais jamais voir une femme, de toutes les manières, elle aurait remis en cause sa réputation, n'est-ce pas? Mais les mentalités changent. Alors, et puis il y a des femmes, donc, qui se sont imposées. Il y en a d'autres qui ont épousé des musiciens et qui ont permis aux musiciens d'avancer. On cite souvent le cas de Louis Armstrong, et c'est sa femme, qui était pianiste, qui a complété sa formation, qui lui a permis d'avancer. Alors, donc, chez nous, eh bien, les femmes sont arrivées tardivement. Et elles se sont cantonnées uniquement au chant. Alors, on n'a pas de documents, de témoignages particuliers. Mais il semblerait que l'une des premières chanteuses de jazz fut, pas Eunora Kaberia, c'est sa sœur, Albany Kaberia. Ah, les sœurs Kaberia étaient deux, Eudora et Albany. Albany, c'est celle qui est morte dernièrement à 100, c'est tout en même temps. Comme dirait l'autre, elle était plus sophistiquée. Tandis que Albany est plus libre. Et Albany a chanté dans les orchestres. Elle a chanté avec ses frères, tandis que l'autre, elle était plutôt réservée. Et une fois que je l'ai rencontrée, elle me dit, oui, elle aimait, par exemple, jouer la mandoline. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, la mandoline, c'était vraiment quelque chose de à part, n'est-ce pas? Alors, à partir de vous à moi, bon, c'est enregistré, ça ne fait rien, je le dis, entre les oreilles. Mais de vous à moi. Non, je le dis, je suis responsable de ce livre. De vous à moi, je vous dirai. Parce que moi, j'ai rencontré. Comment il s'appelle la dernière de Kaberia. Pour moi, il y a un litige concernant la chanson des mots toujours. Vous la connaissez? Ah, oh, oui. On attribue cette chanson à. Décidément. Eudora Kaberia. Moi? J'ai des doutes. Moi, je dis plutôt Albany. Quand je lui ai posé la question, elle m'a dit oui, les deux. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Comme je vous l'ai dit précédemment, Memo Tuchon, c'est une chanson populaire qu'on chantait dans les balles. Et ce n'était pas le caractère de cet homme. Il était plutôt réservé. Tandis que l'autre, Albany, c'était le feu. Quoi. C'est, voilà. Donc moi, je le dis, bon, on sera d'accord avec moi ou pas, mais moi, je ne dis pas au hasard, moi, j'ai rencontré, on a discuté, et quand moi je lui ai dit, elle a fait parler de lui, on a fait ensemble. Tout cela pour vous dire que ce travail que j'ai fait n'est pas simple, c'est pas pour m'envoyer des fleurs, je vous explique le problème. C'est qu'en Guyane, on n'a pas suffisamment de recul, on n'a pas suffisamment de documents. Vous avez l'impression qu'en interrogeant les gens, vous avez l'impression d'avoir la bonne information. Si vous n'êtes pas informé du sujet, si vous ne connaissez pas le sujet, vous plantez, et ça m'est arrivé. Parce que tout le monde se tient à la couverture. J'ai un exemple qui est simple. Il y a un orchestre qui, dans les années 50, était très populaire, qu'on appelait l'orchestre Métronome. C'était un très bel orchestre, style Big Band, avec trois saxophones, des trompettes et tout. Et quand j'ai commencé à enquêter, à me renseigner sur cet orchestre, j'ai interrogé plusieurs personnes. Et figurez-vous, chacune de ces personnes me disait que c'était elle qui avait fait. Alors au début, bon, je laissais parler, parce qu'on finit quand même par avoir de la graine et avoir. Je laissais parler. Et puis je terminais en disant, oui, mais tu sais, un tel m'a dit que c'est lui. Oui, mais enfin, oui, on a fait ensemble. Mais au départ, c'est ça. Donc, c'est grave. Si vous n'avez pas la connaissance du milieu, vous plantez. Et moi, ça m'est arrivé. Voilà pourquoi j'en parle. Et c'est ça la difficulté. Comme je vous disais précédemment, il n'y a pas eu d'antécédent dans ce travail sur la musique populaire. Donc moi, j'avance à la vedette, n'est-ce pas? Et j'essaie d'être prudent. Mais quand c'est la seule information que vous avez, vous avez beau analyser, vous la mettez et vous essayez de vous planter. N'est-ce pas? C'est ça, c'est difficile ce qu'on fait là. C'est vraiment difficile. Donc voilà un aspect de ce jazz, de notre jazz. Je ne sais pas s'il y a des questions à poser. C'est peut-être que le temps se fait. Non? Ah oui, il est déjà 18h12. Ça serait passionnant, merci. Mais j'ai essayé, peut-être un peu décousu, je ne sais pas. Non, je pense qu'en fait, en étant attentif, on retrouve en fait les liens. Donc, non, c'était vraiment d'accord. Très intéressant. Ben, j'ai essayé. Et c'est ce que j'explique dans le livre. Ben. Voilà. Merci à vous, en tous les cas, parce que c'est vrai que c'est un peu documenté. Non, mais c'est moi qui vous remercie. La musique guyanaise, c'est pas simple. Ouais. Ouais, encore hier, j'ai lu un article sur la musique du Suriname, là, où on arrive à trouver un peu de choses écrites, mais autant sur la musique guyanaise, très très peu. Exact. On retrouve aussi sur la musique, moi j'aime bien les musiques des années 70, Antilles, Mbiyagou, tout ça, et c'est vrai que moi je me souviens avoir entendu Danny Play qui jouait des musiques, alors là, je connais pas beaucoup en musique plutôt guyanaise, mais qui avait participé sur l'album des années 70 sur la musique plutôt un peu bougalou. Alors là, c'est des choses où on a du mal à trouver de l'information sur toutes ces choses-là et du coup de comprendre un peu, parce que c'est une histoire et intéressante de connaître les paroliers qu'a de la musique, enfin, moi, tout ce rapport de la musique mondaine et autres. J'avais cette sensation, moi, que le jazz était un peu la continuité de ces. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a vraiment eu une. Je vous ai expliqué une rupture dans la musique, n'est-ce pas? Quand nous sommes passés de la musique au tambour à la musique instrumentale, n'est-ce pas? Voilà. Et le jazz, en fait, est arrivé. Vous savez, on se pose des questions, comment cette musique est arrivée? Bon, on pense souvent au mouvement de population. Et puis bon, mais à cette époque-là, concernant le jazz particulièrement, on avait déjà les 78 tours. Bon, tout le monde n'avait pas de phono, mais il y en avait quand même. Et on pouvait, n'est-ce pas, écouter de la musique. Et puis plus tard, bien sûr, la radio, alors là, la radio a bouleversé tout le monde musical. Oui, c'est marrant, mais moi, j'ai habité à l'époque dans l'Hexagone sur un territoire où l'aéroport avait été aussi construit par les Américains dans les mêmes années d'ailleurs. Et il y avait pareil cette même évolution sur la musique avec l'apport de l'arrivée des Américains avec les 10-70 tours comme vous disiez. Et on trouvait cette. Alors là c'est la musique beaucoup country et autres aussi qui était restée, qui s'était développée du coup parce qu'il y avait eu ce passage des Américains à un moment. Mais nous on a préféré le jazz. Oui, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire que les moments de population à un moment font que. Parce que les V-disques, en fait, couvraient toute l'étendue de la musique américaine. Hein, aussi bien country que. Merci Tony. Merci, et puis ben, merci beaucoup pour l'intervention. Puis merci d'être venu. Moi, j'imagine qu'on trouve ça. Non.